promesse et là pour ma faiblesse éternel pourvoira, l'éternel pourvoira. Si mon impatience demanda ta parole sainte, tu réponds à ma plainte, l'éternel pourvoira, l'éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux puissante est la grâce, l'éternel.